à Solange du Devant, Nohant, fin juin 1841. Ma grosse fille, il faut avoir plus de courage que tu n'en as et ne pas tant te plaindre. Je suis fort touchée de toutes les choses tendres et aimables que tu me dis. Mais je vois bien que tu exagères un peu ta maladie, tes larmes et ton ennui. Je pourrais être fort inquiète de toi, d'après tout ce que tu me demandes, si je n'avais de toi des nouvelles plus exactes et plus véridiques. Pourquoi outres-tu la vérité? Est-ce par faiblesse pour toi-même? Est-ce pour m'engager à te faire revenir ici plus vite? C'est un bien mauvais moyen. Et qui ne réussirait pas? Ce serait fort mal de jouer avec le chagrin que me causerait l'inquiétude. J'espère que tu n'es pas égoïste à ce point et que tu t'es livré à tes amplifications habituelles sans réfléchir au mal qu'elle pourrait me faire, si je ne savais ce qu'il en est. Corrige-toi au moins du défaut que tu as de faire des récits ornés à ta fantaisie. C'est bon en riant, et je vois bien, d'après la nécessité où tu es de manger de l'herbe, que tu plaisantes en grande partie. Je le veux bien encore. Je rirai avec toi de ton bel esprit. Mais il ne faut pas pousser cela trop loin, et ne pas tellement mêler la farce et le sentiment, qu'en te lisant, on ne puisse pas s'y reconnaître. Sois un peu plus sérieuse quand tu parles sérieusement, et sois farceuse tant que tu voudras quand il s'agira de rire. Enfin, je vois d'après ce qu'on m'écrit que, grâce à Dieu, tu n'es pas bien malade. Tu veux absolument venir ici au 15 août. Madame Bascance m'a dit qu'elle te laisserait venir le plus tôt possible, mais qu'il y avait des examens, et qu'il fallait que tu y prises part, comme les autres. Je trouve cela fort juste, et je tiens même beaucoup à ce que tu passes ces examens. S'ils ont lieu au 15 août, sois sûr qu'aussitôt après tu sortiras. Mais s'ils ont lieu plus tard, tu attendras. Aussi, ne te mets pas l'esprit à la torture pour faire changer cette résolution. J'ai plus d'envie que toi de te revoir. Mais ce n'est pas une envie d'enfant à laquelle je veuille sacrifier ce qui est utile à ton instruction. Ainsi, travaille. C'est le seul remède au chagrin. Et quand tu dis que nous nous amusons pendant que tu t'ennuies, tu sais fort bien que ce n'est pas dans le but de m'amuser que je te quitte. Pas plus que ce n'est dans le but de te faire ennuyer que je te laisse. Je travaille. Et ton frère aussi. Et la vie n'est pas faite pour jouer toujours. Quand tu seras en vacances, tu travailleras encore. Sois-en certaine, je l'exigerai de toi, tout en te permettant de t'amuser beaucoup après. Adieu, ma bonne fillette. Ton frère t'envoie une lettre de ce malheureux pistolet, à qui il a tenu la patte, et qui bâillait à faire pitié pendant ce temps-là. La Luce t'écriera, et ton frère aussi. À cette heure-ci, tout le monde dort, excepté moi, qui t'embrasse de toute mon âme et te supplie d'être bonne, courageuse et sincère avant tout.